Audiomatique. Amorcer la transmission 509 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation américaine Cigarettes After Sex. de son troisième album X's, paru le 12 juillet 2024. Il nous interprétait la pièce Hide Away. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain de Mars Volta d'assurer la continuité audiomatique. wisdom, you're the answer. I'm the sea, you are the islands. I am crying, you are smiling. I am night, you are day. Nous avions droit à Audiomatic, au duo allemand Hojob. Hojob fera paraître son 10e album studio, The Machine and the Ghost, le 20 septembre 2024. De ce nouvel album à paraître, Hojob a déjà lancé 2 simples, dont le premier, In the Headlights, le 26 juin 2024. De ce simple, nous avons entendu l'extended remix de la chanson In the Headlights. Et pour débuter ce segment, c'était le groupe américain de Mars Volta, qui est né en 2001 d'une partie des cendres du groupe At the Drive-In. du troisième album de Mars Volta, intitulé Amputecture, et sorti en 2006, nous écoutions la pièce Tetragrammaton. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation japonaise Mono. Thank you. C'était à Audiomatic, la formation japonaise Mono, de son 9e album Requiem for Hell, paru en 2016. Nous vous avons offert la pièce titre. En conclusion de cette transmission 509 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du défunt groupe américain Sonic Youth, de son 13e album Sonic Nurse, sorti en 2004. Nous entendrons la chanson Stones. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Sonic Youth et la chanson Stones. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Dead or alive, stained.